إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 51 dans les cours de Al-Mulakhas Al-Fiqhi, l'explication du livre de fiqh du Cheikh Salih Al-Fawzan. Et il parle, aujourd'hui on a commencé le chapitre Babun fi Mahzurat Al-Ihram, et donc aujourd'hui on va compléter ça, on est arrivé au quatrième point, le premier point de ce qui est interdit dans de ce qui est interdit à faire dans l'état l'ihram, c'est de couper les poils. Ensuite, c'est de couper les ongles. Ensuite, c'est de couvrir la tête. On a mentionné ces trois points-là au dernier cours. Maintenant, on continue. C'est le quatrième point, al-mahdour al-rabi', le quatrième point qui est interdit pour un muhrim, c'est l'ibs al-dakar al-mafiq ala badanihi ou ba'dihi min qamis ou imama ou سراويل وما عمل على قدر العدو كالخفين والقفازين والجوارب لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. Donc le cheikh explique ici que parmi les choses qui sont interdites pour un muhrim de porter, c'est de porter des vêtements cousus sur son corps ou sur une partie de son corps, comme par exemple le qamis, al-imama, ou bien les pantalons comme le sirwal, de les porter. C'est quelque chose d'interdit de les porter sur son corps au complet ou bien sûr un membre de son corps. Et en fait, c'est tout ce qui est fabriqué ou tout ce qui est fait pour être porté sur un membre. Comme par exemple les bas, par exemple, ou les bas ou les roufs, c'est comme des chaussettes de cuir, ou bien les gants. Tout ça, c'est interdit pour le muhrim. Comme c'est mentionné dans Al-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, lorsqu'un homme a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le muhrim doit porter ou qu'est-ce qu'il peut porter, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, il ne doit pas porter le qamis, et il ne doit pas porter al-imama, il ne doit pas porter al-baranis, et il ne doit pas porter al-baranis, c'est le pluriel de burnus, et c'est un genre de vêtement aussi, et as-sarawil aussi, c'est pas permis, c'est comme un genre de pantalon, un genre de pantalon, et tout vêtement qui a été touché par al-wurs, al-wurs et al-za'faran, c'est des genres de colorants pour les tissus, Zafaran, on l'utilise aussi pour colorant alimentaire aussi. C'est un colorant rouge ou jaune ou dans ces couleurs-là. Puis ça, c'est les couleurs que les bouddhistes utilisent pour colorer leur tissu. Donc c'est pas permis pour les musulmans de les utiliser ces tissus-là. Et al-khuffain, non plus on n'a pas le droit de toucher au khuffain et de porter les khuffain, c'est-à-dire les deux les chaussettes. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت وأمر من أحرم من وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه فما كان هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغيركم سواء أدخل يديه أو لم يدخلها وسواء كان سليما أو مخروقا وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباءة الذي يدخل فيه يديه إلى أن قال وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط والمخيط ما كان من اللباس على قدر العدو ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه انتهى. Donc le cheikh il explique que l'imam Ibn Taymiyyah رحمه الله il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de porter le qamis et les baranis et les sarawil et le khuf. Sarawil, c'est le pluriel du sirwal, et ça veut dire, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, les genres de pantalons. Et al-khuf, c'est les chaussettes, et al-imama, c'est un genre de truc qu'on porte sur la tête, soit en turban ou quelque chose comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même interdit de couvrir la tête du muhrim qui meurt en état d'ihram. Et aussi, il a ordonné à celui qui a fait l'ihram et qu'il avait sur lui un manteau de l'enlever. Et donc, c'est pas permis pour quelqu'un de porter quoi que ce soit de vêtements cousus. Et tout ce qui rentre dans ces définitions, dans ces caractéristiques de vêtements-là, sont interdits. Hein? Et donc, ça rentre dans qu'est-ce qui a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme tout ce qui est comme qamis et tout ce qui est semblable au qamis, et il n'a pas besoin non plus de porter un qamis, peu importe qu'il ait des manches ou qu'il n'ait pas de manches, peu importe qu'il rentre ses bras dedans dans les manches ou qu'il ne rentre pas ses bras dans les manches, peu importe qu'il soit un vêtement en bon état ou qu'il soit troué ou déchiré, il ne doit pas les porter, de même qu'il ne porte pas al-jubba, c'est-à-dire il ne porte pas le manteau ou un autre genre de vêtement ou une couverture sur lui, dans lequel il rentre ses bras. Le cheikh il dit, par la suite, il dit plus loin, c'est-à-dire le cheikh al-Islam, il continue plus loin en disant, et ça c'est la signification de la parole des fuqaha, des savants de fiqh, lorsqu'ils disent de ne pas porter les vêtements cousus, et les vêtements cousus ça veut dire tout ce qui est porté sur comme tout ce qui est porté comme vêtement sur un membre du corps, et donc il ne doit pas porter tout ce qui est dans le sens de pantalon, comme at-tiban, c'est un autre genre de pantalon, donc tout ce qui est dans le sens de quelque chose qu'on rentre dans les deux jambes ou dans les deux bras, ou sur le corps, qui reste fixé sur le corps, comme vêtement, tout ça, ça rentre dans ce qui est interdit. Ça, c'est la fin de la citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est tiré de Majmu' al-Fatawa, la page 110 et 111. Après, le Cheikh dit, « وَإِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُحْرِمْ نَعْلَيْنَ لَبِسَ خُفَّيْنَ أَوْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ السَّرَوِيلَ إِلَى أَنْ يَجِدَهُ إلى أن يجده إلى أن يجده فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل ولكن لم يجد إزارا. نعم. أما المرأة donc on va parler de ça après. Le cheikh il dit que si la personne elle rentre en état d'ihram et qu'elle a deux sandales et qu'elle n'a pas de sandales, c'est ça, si la personne rentre en état d'ihram et qu'elle n'a pas de sandales, elle peut porter des bas en attendant qu'elle trouve des sandales. Et si elle rentre en état d'ihram mais qu'elle n'a pas trouvé d'izar, il peut porter des pantalons jusqu'à ce qu'il trouve des sirwan, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il porte jusqu'à ce qu'il trouve des izar, hein, jusqu'à ce qu'il trouve un izar. Lorsqu'il trouve un izar, il enlève le sirwan et il porte son izar. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Arafat, il a donné la permission à quelqu'un de porter les sirwan, étant donné qu'il n'avait pas trouvé d'izar. Et ça, c'est apporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas, radiallahu anhumah. De même qu'il y a aussi, bien entendu, les sous-vêtements qu'on porte aujourd'hui sont cousus, donc c'est pas permis de les porter, même si c'est pas des pantalons, hein, tout ce qui est cousu. D'accord? Et après, le chef, il dit, أَمَّا الْمَرْأَةَ فَتَلْبِسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ حَالَ الْإِحْرَامِ لِحَاجَتِهَا إِلَى السِّتْرِ إلا أنها لا تلبس البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب وتلبس القفازين على كفيها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا على عدم ستره بالمقنعة أو الجلباب ونحوهما هذا أصح القولين انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique ici, il dit que la femme elle dans l'état d'ihram elle peut porter tout ce qu'elle veut comme vêtement parce qu'elle doit se couvrir. C'est pas comme les hommes, mais c'est obligatoire pour elle de couvrir tout son corps. Excepté qu'elle n'a pas le droit de porter le burqa ou le niqab, c'est-à-dire une pièce de tissu qui est fixée au visage. Ok? Donc le cheikh il dit que le burqa, c'est qu'est-ce qui est porté par la femme pour couvrir son visage, et il a deux trous pour les yeux. Donc c'est comme un genre de masque, on appelle ça le burqa. Donc elle ne porte pas la femme qui est en état d'ihram, elle n'a pas le droit de le porter. Et elle n'a pas le droit de couvrir son visage avec ça, avec le burqa ou avec le niqab. Mais elle a le droit de couvrir son visage avec autre chose, comme par exemple avec son khimar ou avec son jilbab. Donc elle doit couvrir son visage en présence des hommes étrangers, excepté qu'elle ne doit pas le faire avec le niqab ou le burqa. Ces deux choses-là en particulier seulement. Le cheikh il dit wa la talbisul qaffazain ala kaffayha, elle ne doit pas non plus porter les gants sur ses mains, mais elle couvre ses mains avec son djilbab, hein. Donc ça c'est pour montrer que en même temps le niqab c'est quelque chose qui était bien connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les femmes portaient le niqab à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ceux qui disent que c'est une bid'a, comme Al-Qardawi ou Al-Ghazali, des gens de cette catégorie-là qui trouvent que de couvrir le visage c'est l'exagération, ça c'est des gens qui connaissent pas la sunna, hein. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit aux femmes de porter ça durant les haram, donc ça prouve que c'était connu à l'époque que les femmes le portaient. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La talbis, la tamtaqib al-muhrima al-mar'a al-muhrima wa la talbis al-qaffazain. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et d'autres, dans d'autres livres de hadith. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il explique ça dans son livre, dans un de ses livres. En fait, il en parle dans plusieurs livres, mais là, il l'a mentionné dans Tahdhib al-Sunan. Sinon, c'est mentionné aussi dans d'autres livres comme Bada'i' al-Fawa'id. L'imam Ibn al-Qayyim ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de porter le niqab, et de porter les gants. Et ça, c'est une preuve, c'est une preuve que son visage est comparable au corps de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, on n'a pas le droit de porter des vêtements cousus, qui sont fixés à son corps, mais il a le droit de porter l'isard et le rida sur son corps pour se couvrir. Mais sur sa tête, il n'a pas le droit de porter rien, ou il n'y a rien qui a le droit d'être fixé sur sa, de toucher sa tête, dans le but de la couvrir. Donc le cheikh il dit que la comparaison dans les haram pour la femme, entre l'homme et la femme, la comparaison, c'est que le corps de l'homme est comparable au visage de la femme dans les haram, parce qu'elle n'a pas le droit de porter un vêtement fixé. Toutefois, elle n'est pas comparable à sa tête, dans le sens que quelque chose n'a pas le droit d'être collé ou touché à sa peau sur sa tête. C'est pas comparable parce que la femme peut porter quelque chose sur son visage autre que le niqab et le burqa, ok, tandis que l'homme peut pas porter rien sur sa tête du tout. Donc il y a pas, c'est pas la comparaison entre l'ihram de l'homme et de la femme, c'est pas en comparaison à sa tête, mais en comparaison à son corps dans les vêtements et dans les choses qui sont fixées. Donc le cheikh il dit que c'est interdit à la femme de porter quelque chose qui a été fait et qui a été dessiné ou fait à la grandeur ou à proportionnellement au visage de la femme, comme le niqab et le burqa qui est fait pour être fixé sur le visage, mais elle a le droit, ça ne veut pas dire que c'est interdit pour elle de se couvrir avec autre chose, comme al-miqda'a et al-jilbab et d'autres choses de ce genre, et il dit que ça c'est la position la plus correcte parmi les deux positions. Donc, ça c'est que la femme peut se couvrir le visage avec autre chose qu'avec le djilbab, avec autre chose qu'avec le niqab ou le burqa. Et le cheikh il dit que, il dit, wal qaffazain shay'un yu'malu lil yadayni yadkhulani fihi yasturuhuma min al barak. Il dit, al qaffazain c'est quoi? Il dit c'est quelque chose qu'on porte dans les deux mains, c'est fait pour être porté sur les mains pour protéger du froid. Et ça c'est bien entendu les gars qu'on utilise aujourd'hui. Et ensuite le chef dit وَتُغَطِّي وَجْهَهَا عَنِ الرِّجَالِ وُجُوبًا بِغَيْرِ الْبُرْقُعِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَ الرُّكْبَانِ يَمُرُّونَ بِنَا فَنَحْنُ مُحْرِمٌ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. لشيخ ذكر فام elle doit quand même obligatoirement couvrir son visage du regard des hommes avec autre chose que le burqa. Avec autre chose que le burqa, et ça c'est basé sur la parole de Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole de Aïcha radiyallahu anha, qui dit qu'on était en train de faire le tawaf, ou bien ils étaient en état d'ihram, c'est ça. Il dit, on était en état d'ihram avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les monteurs passaient à côté de nous, les gens passaient à côté de nous sur leur monture, et lorsqu'ils arrivaient à égalité avec nous ou proche de nous, on couvrait notre visage ou on couvrait notre visage avec le djilbab. Et lorsqu'ils étaient dépassés, lorsqu'ils nous avaient dépassés, on découvrait notre visage. Et ça, c'est rapporté par Ahmad et Abu Daoud et d'autres. D'accord, donc, et Ibn Majah et d'autres ulama. Donc, ça veut dire que les femmes, même si elles portaient pas le niqab pour les haram, eh ben, elles couvraient quand même leur visage quand il y avait des hommes à proximité qui pouvaient les voir. Et donc, aujourd'hui, bien entendu, il y a tellement d'hommes et tellement de femmes ensemble mélangées dans le hajj que la femme, elle doit couvrir son visage avec d'autres choses que le niqab, bien sûr, c'est-à-dire avec son vêtement. Et ça, c'est très important aujourd'hui en particulier, parce que les gens semblent pas comprendre qu'on est dans une période de fitna, on est dans une période de disons, où la morale est basse dans l'esprit des gens, en général, à cause de tout ce qui passe à la télévision et ailleurs. Et donc, les gens doivent faire encore plus d'efforts en ce qui concerne le fait de se couvrir, en particulier les femmes, le fait de se couvrir, et pas se limiter à uniquement faire le minimum, mais de faire ce qui est le plus possible nécessaire pour couvrir le corps de la femme. Et yani, parce que quand tu vas au hajj et tu regardes la situation des vêtements que les femmes portent durant le hajj, et non seulement durant le hajj, mais dans la mosquée à Mecca, al-Haram, où il y a la Kaaba, et tu regardes ce que les femmes portent à l'intérieur de la mosquée, eh ben, on dirait que c'est une parade de mode, hein, et que les femmes vont là-bas et qu'elles n'ont même pas l'impression d'être là-bas parce que, yani, elles montrent leur corps partout et elles portent des vêtements qui sont vraiment impudiques et qui montrent les détails de leur forme et qui montrent leur corps. Donc ça, c'est quelque chose de haram en temps normal dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle période de l'année. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors dans ce cas-là de quelqu'un qui fait ça durant le temps du hajj et dans l'ihram, et en plus la femme qui fait ça en plus à cet endroit-là, c'est-à-dire à Mecca, hein, et à Mecca et à Medina et dans les villes saintes de l'islam. Donc on sait que le péché que quelqu'un fait à Mecca et à Medina, il a le double de la punition par rapport au péché que quelqu'un fait à un autre endroit en dehors de ces deux endroits-là. Donc la femme vient pour faire son hajj, pour ramasser des hasanat et pour faire du bien, et au lieu de ça, elle accumule des châtiments, des punitions, des malédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'elle montre son corps et qu'elle ne se couvre pas d'une façon islamique. Et ça, c'est la négligence. La négligence et l'ignorance. Et le fait que certains préfèrent rester ignorants pour justement penser que du fait qu'ils sont ignorants des règles du hijab, qu'ils ne sont pas punis par la suite. Mais si cette ignorance est volontaire et que c'est basé sur l'insouciance, sur l'indifférence ou l'éloignement volontaire de la guidance, dans ce cas-là, il n'y a pas d'excuse pour ces femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà annoncé qu'il y allait avoir dans sa umma des femmes kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilat. Et il a dit que ces femmes-là sont maudites, hein. Donc, ça veut dire que c'est des femmes qui se couvrent avec des vêtements, mais quand elles se couvrent avec ces vêtements-là, étant donné que c'est des vêtements qui ne couvrent, qui couvrent pas correctement, alors ça donne l'impression qu'elles ne sont pas habillées du tout, hein. Soit qu'ils sont serrés sur le corps, ils dévoilent qu'est-ce qu'il y a en dessous, ou bien soit qu'ils sont transparents, on voit qu'est-ce qu'il y a en dessous, ou bien soit qu'on voit par exemple que ce sont des vêtements très minces. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'il y a des vêtements qui créent la fitna. Et l'obligation pour la femme, c'est de porter le djilbab, qui couvre ses vêtements ordinaires. quand elle sort dehors devant les hommes. Et selon certains ulama, l'obligation est de couvrir le corps en entier, c'est-à-dire même le visage et les mains et tout le corps lorsqu'elle sort. Et ses vêtements doivent traîner jusqu'à ses pieds, couvrir le dessus de ses pieds. Hein? C'est pas juste jusqu'à la cheville comme les hommes, c'est jusqu'à ses pieds par terre. Même si ça touche un peu par terre, c'est correct. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis et a ordonné même à ses femmes de laisser une longueur, hein, pour justement cacher complètement. Aujourd'hui, les femmes portent une abaya ou bien un djilbab ou une robe pour la beauté ou pour le style. Elles veulent être belles, belles quand elles sont voilées. Elles veulent être belles, Allah musta'an. Donc les femmes, elles se voient, elles disent entre elles, « Ah, t'as un beau voile. Ah, ton voile, il est beau. Oh, t'es belle avec le voile. » Alors que au contraire, c'est pas supposé d'être beau, c'est pas supposé d'être porté pour être beau ou attirant ou attrayant au regard. Au contraire, c'est fait justement pour être neutre, pour pas paraître justement beau, pour pas attirer les regards dans le sens de la beauté et de qu'est-ce qui attire les hommes. Donc si la femme porte des vêtements qui sont beaux et qui sont attirants au regard et attrayants, eh bien, il y a la sagesse du djilbab et de couvrir le corps de la femme et de rester loin de la fitna. Eh bien, ces buts-là sont pas atteints en portant ce genre de vêtements-là. Et il faut que les femmes et que les hommes musulmans prennent conscience du danger de cette chose-là aujourd'hui et de l'importance de se couvrir comme il faut. Parce qu'on voit trop de négligence aujourd'hui. Et en particulier maintenant, on voit que les temps chauds commencent à arriver, et déjà même, on peut dire que ça fait quelques jours seulement qu'il commence à faire un peu moins froid, et déjà on voit des filles qui sortent, des filles musulmanes qui sortent dehors avec des vêtements qui font la honte, à l'islam, qui font la honte aux musulmans, hein, qui est indigne de toute femme chaste et pieuse qui a une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit remettre en question tout ça, ces choses-là qui ont rapport avec le hijab, et il ne faut pas avoir peur des critiques des koufars qui vont nous dire « Ah, oh, c'est des intégristes, c'est des gens qui sont trop stricts envers la femme, etc. » Non, eux, c'est leur point de vue à eux. Eux, ils ont compris, ou pour eux, ça, c'est ce que ça signifie. Eh bien, c'est tant pis pour eux, parce que c'est pas ça que ça signifie, et nous, on le sait. Eux, ils veulent pas voir la vérité, ils ont décidé de s'aveugler et de s'obstiner, de s'entêter à croire à leurs mensonges. Alors laissez-les croire à leurs mensonges, s'ils sont aveugles, tant pis pour eux. Mais nous, on se laisse pas influencer ou intimider par leur point de vue personnel. C'est leur point de vue qu'ils s'en aillent avec. Nous, on a compris la sagesse derrière ces règles. On a compris l'importance derrière ces règles, on a compris la valeur de ces choses-là, et on a compris que c'est un ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et donc, on n'a qu'à se soumettre à ces ordres et à respecter ces commandements, parce qu'il y a le bien dans ça pour nous, dans ce monde et dans l'au-delà. Et ça, c'est l'attitude du musulman. Peu importe. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'appliquer ça et de respecter ces lois-là et ces règles. Hein? Regardez par exemple les koufars qui critiquent le djilbab ou qui critiquent le hijab ou le niqab ou le burqa. Hein? Ils critiquent ces choses-là et c'est les gens qui appellent à la liberté individuelle. Alors, où est la logique dans leur appel à la liberté? La réalité dans ce qu'ils prétendent comme liberté, on a tous compris ce que ça signifie. Ça signifie la liberté de vivre comme nous. Mais lorsque vous voulez vivre contrairement à notre mode de vie, vous n'êtes plus libre. La seule liberté que vous avez, c'est de nous imiter et de vivre comme nous les koufars. C'est ça ce qu'ils disent. C'est-à-dire, vous devez être comme nous. Si vous ne voulez pas vivre comme nous, on vous enlève cette liberté-là. Et donc, leur liberté en réalité, c'est une fausse liberté, c'est une liberté illusoire, c'est liberté c'est liberté la liberté en réalité pour eux c'est de devenir esclave du diable, de devenir l'esclave de nos passions, hein, de devenir esclave de nos désirs. Et l'islam appelle à la liberté, la vraie liberté, c'est-à-dire de se libérer de nos passions, de se libérer de nos désirs, de se libérer du shaitan et du diable qui nous pousse toujours vers le mal, et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala seul, notre seul maître, celui pour qui on a été créé, celui pour qui on a été créé dans le sens qu'on est créé pour l'adorer lui seul, et que d'être esclave à Dieu, c'est ça la seule liberté en réalité. Donc, ça c'est très important pour un musulman et pour une musulmane de comprendre ça. Et il est temps que les musulmans cessent de se laisser intimider par tout ce qui se passe chez les koufars et qu'est-ce qu'ils racontent. On n'est pas des gens faibles, on n'a jamais été des gens faibles dans l'histoire de l'islam, et c'est pas aujourd'hui qu'on doit le devenir non plus. On doit avoir une force intérieure qui nous aide et qui nous supporte, qui nous donne la capacité de repousser toutes ces futilités que ces gens-là racontent contre nous. Donc on continue. Cheikh il dit « وَلَا يَضُرُّ مَسَّ الْمَسْدُولُ بَشَرَةُ وَجْهِهَا أَنَّهَا إِنَّمَا مُنِعَتْ مِنَ الْبُرْقُعِ وَالنِّقَابِ فَقَطْ وَلَا مِنْ سَتْرِ الْوَجْهِ بِغَيْرِهِمَا » Cheikh il dit que si ce qu'elle porte, si ce qu'elle utilise pour couvrir son visage en dehors du niqab et du burqa touche à la peau de son visage, ça ne dérange pas, parce qu'elle a uniquement été interdite de porter le burqa et le niqab, et non pas de couvrir son visage avec autre chose. Le cheikh il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا تكلف المرأة أن تجاف سترها عن الوجه بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها كلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن عن وجههن من غير مراعاة للمجافة. Donc le cheikh il dit, après il dit, وَقَالَ وَيَجُوزُ لَهَا تَغْتِيَةُ وَجْهِهَا بِمُنَاسِقٍ خِلَى النِّقَابِ وَالْبُرْقَى. Donc il dit le cheikh que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, cheikh de l'islam, il dit que la femme n'est pas ordonnée, ou n'a pas à essayer d'éloigner le burqa, pardon. La femme n'a pas à essayer de détacher ou d'éloigner ce qu'elle utilise pour couvrir son visage en utilisant par exemple un petit morceau de bois ou sa main ou autre chose. Dans le sens que certaines personnes pourraient croire que si elle couvre son visage avec autre chose que le niqab ou le burqa, comme par exemple avec son djilbab ou avec un khimar ou quelque chose, qu'elle doit l'écarter de la peau de son visage pour pas que ça touche à la peau du visage. Mais le cheikh il dit que ça dérange pas et qu'elle n'est pas demandée ou elle n'a pas à essayer de faire ça avec un morceau de bois ou avec sa main ou autre, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ou a fait une comparaison ou une égalité entre le visage et les mains de la femme et le corps de l'homme, et non pas la tête de l'homme. Donc ça veut dire que si quelque chose touche à sa peau de son visage, c'est pas grave, c'est comme le corps de l'homme peut toucher au izar et au rida, ça dérange pas. Ce qui dérange pour l'homme, c'est qu'il y a quelque chose qui touche à sa peau, mais sur sa tête. Donc le visage de la femme n'est pas comparable à ça, n'est pas comparable à la tête de l'homme, mais comparable à son corps, dans le sens que c'est pas grave si ça touche à sa peau. L'important c'est que ça couvre et que ce soit pas un niqab ou un burqa. Et le cheikh il dit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes couvraient leur visage avec autre que le niqab ou le burqa, sans qu'elles aient à craindre que ça touche à leur peau ou non. Et donc il dit que c'est permis de couvrir, pour la femme, de couvrir son visage avec quelque chose qui touche la peau de la femme, tant que c'est quelque chose d'autre que le niqab et le burqa. Donc ça c'est le point. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe souvent chez les convertis, les femmes converties ou les femmes non converties mais qui sont nées ici, qui ont grandi dans les pays occidentaux, dans les, et qui fréquentent les associations islamiques et les groupes d'étudiantes islamiques dans les pays occidentaux, c'est qu'ils ont cette tendance-là à pousser les filles à ne pas porter le niqab en général. Et ils essaient de faire croire aux filles que c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de recommandé, c'est pas quelque chose qu'on doit encourager la fille de faire. Il y a beaucoup qui enseignent ça, et en particulier chez les Québécois ici au Québec, les filles converties parmi les Québécoises, eh bien, elles ont en grande majorité cette position, toujours essayer de faire le moins possible, ça disant, parce que ils considèrent que ça donne une mauvaise image à l'islam. Donc imaginez les gens qui pensent que de pratiquer l'islam donne une mauvaise image de l'islam aux non-musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de se mettre en mini-jupe pour essayer de se faire accepter des koufars pour avoir une bonne image. Ça peut-être c'est un exemple exagéré, mais c'est pour dire que si c'est comme ça que ces gens-là comprennent, alors c'est dangereux en réalité de comprendre ou de penser comme ça par rapport à l'islam. Qu'est-ce qui donne une mauvaise image à l'islam? C'est pas le fait de pratiquer l'islam. Et c'est pas le fait que certains koufars n'ont pas apprécié certains aspects de la religion. Parce qu'il y a toujours eu des koufars, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'aimaient pas des aspects de l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas changés pour leur faire plaisir. D'accord? Parce que c'est des gens qui n'ont pas été guidés, dans le sens qu'ils sont égarés. Ils ne voient pas le bien. Le bien pour eux, c'est le mal. Et le mal pour eux, c'est le bien. Donc si tu essaies de leur faire comprendre que tu vas leur faire plaisir, et bien là, dans ce cas-là, ils vont t'ouvrir la porte. Et une fois que tu commences à suivre ce chemin, et bien c'est un chemin qui est sans fin. Et qui t'amène au coffre et à l'égarement. Parce que tant qu'ils voient que tu vas faire un compromis avec eux, ils vont continuer à te faire une liste de choses que tu dois éliminer pour leur faire plaisir. Jusqu'à ce que tu arrives au tawhid et à la sunna, et ils te disent, ça y est, on veut plus que tu appliques le tawhid, accepter le shirk, accepter les idoles, accepter les tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, accepter les formes de bid'ah, soyez libres dans votre religion. Et à ce point-là aussi, il y a une chose importante à mentionner, encore une fois, c'est qu'est-ce qui est dit par certains représentants de ces groupes islamiques-là maintenant, même en particulier parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont ouverts et qu'ils donnent la parole aux femmes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent leurs femmes aller parler dans les télévisions avec des hommes koufars et montrer leur visage à la télé devant tous les hommes de la ville. Donc ils parlent en public devant les hommes comme si rien n'était. Sans aucune honte et sans aucune gêne, et non seulement ça, c'est des femmes, souvent elles connaissent même pas les règles de la charia comme il faut, elles ne font qu'argumenter sur un plan soi-disant d'arguments rationalistes par rapport au point de vue des koufars, par rapport aux droits de l'homme, aux droits de la femme, à la liberté, et quand ils parlent à ces koufars, au lieu de les inviter ou de leur faire comprendre que l'islam c'est une religion qui est révélée, et que ça vient d'Allah, et que c'est obligatoire pour tous les êtres humains sur la terre de la suivre, et non pas seulement pour nous les musulmans, eh ben, ils leur disent seulement, non, c'est la liberté, chaque femme est libre, personne ne peut lui imposer, personne ne peut lui dire si et ça, c'est son choix, si la femme a choisi de ne pas le porter, c'est son choix personnel, etc., etc. Moi je me demande, subhanallah, comment ces gens-là ont compris l'islam? Et demandez-leur, est-ce que la femme a le choix dans l'islam, ou l'homme aussi même l'homme, est-ce qu'il a le choix de faire ce qui est haram ou ce qui est halal, dans le sens qu'on va lui, on va dire aux musulmans, de faire ce qui est haram c'est permis, et de désobéir à Allah c'est permis, et de contredire les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est permis et c'est ton choix, tu as le droit de le faire. Celui qui dit ça, c'est parce qu'il n'a rien compris de la religion d'Allah. Et il contredit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager qui ordonne d'obéir et qui ordonne de se soumettre. Et l'islam, ça veut dire la soumission. Donc, comment tu peux dire, toi, que c'est le choix d'une personne? Oui, c'est le choix d'une personne de choisir l'islam au début. Mais une fois que tu l'as choisi, eh bien là, t'as plus de choix, t'as plus de liberté de choix. Parce que t'as accepté, t'as signé un contrat avec Allah. T'as dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et donc, maintenant t'as plus ta liberté, tu dois te soumettre aux ordres d'Allah. Si t'es croyant, bien entendu, si t'es un hypocrite, ou si t'es un menteur, ou un kafir, donc tu fais ce que tu veux parce que tu crois pas à Allah. Mais si tu dis je crois à Allah et au messager, je crois en tout ce qui est dans le Coran et tout ce qui est dans la Sunna, et je me soumets aux ordres d'Allah et du messager, puis par la suite, tu dis je suis libre, je fais ce que je veux, ce qui me plaît, je le fais, ce qui ne me plaît pas, je le fais pas. Est-ce qu'il est la foi dans ce cas-là? C'est quoi la foi dans ce cas-là? Hein? Donc, cette idée-là, c'est contraire à la vérité. Hein? On n'est pas libre de faire ce qu'on veut, de croire comme on veut, de penser comme on veut, de dire ce qu'on veut, de faire des bid'a, de faire du shirk, de faire du kufr, de faire des péchés, des choses haram, et de dire je suis libre. C'est lui qui comprend ça, il n'a rien compris. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas aux croyants et aux incroyantes. Une fois qu'Allah et son messager, ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc ça veut dire, ça y est, une fois que tu as choisi de te soumettre à Allah et d'obéir à Allah et de croire à Allah et à son messager, alors tu n'as plus le choix par la suite dans tes façons d'agir. Si Allah et son messager ont dit quelque chose, à un sujet, tu dois l'obéir et tu dois le suivre. Et si tu le fais pas, et si tu le désobéis, mais tu continues à reconnaître l'obligation, tu ne nies pas l'obligation parce que tu fais un péché. Tu vas dire, oui, je suis faible, ou bien oui, ma foi est faible, je fais un péché, je suis pas un bon musulman, je demande à Allah de me renforcer ma foi, hein, je reconnais mon erreur et mon égarement, et j'espère que Allah va pas me punir d'un gros châtiment. Je veux me repentir, je vais commencer à le faire, mais j'ai besoin de travailler, de faire des efforts sur ça. Mais non pas de faire comme certains que lorsqu'ils font un péché, hein, par orgueil et par arrogance, au lieu de dire oui c'est vrai, c'est pas permis, je suis un mauvais musulman, je fais un péché, c'est haram, ils essaient de le rendre halal pour s'enlever la culpabilité du péché qu'ils font. Et ils essaient de dire, oui, tout le monde est libre, chacun a son développement, chacun a son évolution personnelle, chacun a son évolution spirituelle, il faut pas brusquer les gens, il faut pas leur dire ce qui est haram, ce qui est halal, il faut les laisser faire comme ils veulent, parlez-leur pas de ce qui est haram, parlez-leur de Dieu, ou parlez-leur de ci ou de ça. Donc ils veulent pas qu'on dise aux gens ce qui est halal et ce qui est haram, et ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ce qui est shirk, et ce qui est coffre. Donc, pour les laisser rentrer dans les gammes, hein. Quelqu'un ne peut pas s'éloigner du haram s'il ne sait pas ce qui est haram. Donc, ça, c'est des exemples de manhaj des frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimin, Tariq Ramadan, Présence musulmane, tous ces groupes-là qui appellent à ces idées-là, hein, que ce soit à Montréal ou ailleurs. On entend ce discours-là dans certaines mosquées, dans certains centres islamiques, dans certaines associations étudiantes musulmans dans les pays occidentaux ou autres, et ils poussent cette idée-là devant les kuffars et dans les médias pour faire comprendre ça aux kuffars, et après les musulmans qui connaissent pas l'islam, ils entendent ça et ils répètent ça, pensant que ce sont des bonnes réponses et des bonnes façons d'expliquer l'islam aux non-musulmans, pour qu'ils comprennent que l'islam c'est une religion d'ouverture et de liberté et de compréhension. Oui, c'est une religion d'ouverture et une religion de liberté, mais pas selon la définition des koufars. On a notre définition de ces choses-là, et donc il ne faut pas les induire en erreur en utilisant des termes qui ont une ambiguïté dedans et qui les induisent en erreur dans leur compréhension, et qui vont leur faire croire des choses qui sont contraires à la vérité par rapport à l'islam, par rapport au Coran et par rapport à la Sunna, et de leur expliquer les choses telles quelles, hein, sans jouer à des ruses comme ça, ou à des tours, ou à des détours, en tournant autour de la vérité pour leur faire croire des choses qui sont pas vraies. Hein. Donc ça c'est des exemples. Et le verset qui dit là, « Ikraha fid din, il n'y a pas de compulsion ou de contrainte en religion, ça c'est pour contraindre un kafir, un non-musulman, et le forcer de devenir musulman, ça c'est interdit. Mais une personne qui est musulmane, il n'y a rien qui nous interdit de lui ordonner de faire ce que Dieu a ordonné. Et en particulier si c'est dans un pays musulman et qu'il y a un dirigeant qui dirige selon la loi islamique, eh bien il doit ordonner, hein, et faire en sorte qu'il y a une ordonnance du bien et une interdiction du mal dans la société. Et ceux qui ont l'autorité dans la société de le faire, ils le font. Et ça c'est pas particulier à l'Arabie Saoudite, mais c'est obligatoire, et c'est ça ce qui était appliqué dans tous les pays musulmans à l'époque où les musulmans jugeaient selon la charia. Aujourd'hui, les groupes soufis, les groupes modernistes, comme les Ikhwan et les autres, eh ben ils essaient de faire croire que ça c'est quelque chose qui est limité à l'Arabie Saoudite, et ils disent que l'Arabie Saoudite c'est pas notre modèle, etc., etc. Alors c'est quoi votre modèle, si c'est pas l'Arabie Saoudite? Quel autre pays applique la charia aujourd'hui? Vous allez me dire l'Iran? Est-ce que vous croyez que l'Iran c'est un pays islamique? Alors que vous savez la réalité de qu'est-ce qui est enseigné là-bas et qu'est-ce qui est pratiqué là-bas comme croyance et comme religion, l'insulte de Sahaba, l'adoration des tombes et des morts, la prière aux tombes, égorger et sacrifier des animaux et des bêtes pour les morts comme Ali et Hussein et Fatima et les autres parmi les imams des Shia, et comment ils vont là-bas pour faire des vœux et demander des faveurs aux morts et les invoquer et les appeler au secours lorsqu'ils ont une détresse, ça fait partie de leur religion. De même qu'ils traitent de mensonge le Coran, et ils disent que le Coran qu'on a actuellement c'est pas le vrai. Tout ça fait partie des croyances des Rafida, hein, et le Mut'a qu'ils se permettent de faire, hein, ils disent que c'est halal. C'est pas juste des petites différences dans les questions de fiqh, hein, ou mettre nos mains dans la prière, comme la différence entre certains mazahib, enfin Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, non. C'est des différences fondamentales dans les bases de l'islam, dans les fondements de la croyance de la religion. Ils ont At-Taqiyya aussi, c'est-à-dire de montrer le contraire de ce que tu crois aux non-musulmans, ou aux non-shi'a, ceux qui ne sont pas shi'a parmi les musulmans, de leur cacher leur vraie croyance. Donc ça, c'est si ces gens-là considèrent que c'est eux le modèle qu'ils ont à suivre, alors sachez que dans ce cas-là, ils n'ont aucun modèle. Leur modèle est un modèle d'égarement et de shirk et de kufr. Ils veulent trouver un modèle qui répond à leurs désirs et à leurs passions. Laissez-moi vous dire, notre modèle de l'islam, c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça notre modèle. Et dans l'application des salaf, des sahaba et des tabi'in et des tabi'in et des tabi'in, quand ils ont suivi le bien, ceux-là, on les suit et c'est ça notre modèle. Hein? C'est ça notre idéal. Maintenant, on essaie d'atteindre ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à la perfection. Si vous attendez la perfection, vous n'allez jamais l'atteindre. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas atteint la perfection qu'on est des koufars, ou qu'on a sorti de l'islam, qu'on n'est pas des frères, ou qu'on n'est pas des musulmans, comme l'attitude que vous avez envers l'Arabie Saoudite et envers les pays qui appellent à la charia. Hein? Alors que vous, que les Ikhwan, souvent, c'est ce qu'ils faisaient, il n'y a pas longtemps, ils disaient qu'ils voulaient établir un État islamique depuis Hassan al-Banna, et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi. Alors, ils utilisent un autre discours maintenant. Ils utilisent la laïcité, la démocratie, etc., pour dire, non, on n'est pas pour l'islam, on n'est pas pour la charia, tout le monde est libre, soi-disant pour faire quoi à la fin? Allahu a'lam. Mais qu'est-ce qu'ils appellent? C'est pas l'islam, il n'y a pas de doute. Donc ça c'est pour clarifier ce point. Après le cheikh il dit وَيَجُوزُ لَهَا تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا بِمُنَاسِقٍ. On a lu ça déjà. Après il dit وَالْمَحْذُورَ الْخَامِسِ. La cinquième interdiction dans l'ihram, الطيب. فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ تَنَاوُلُ الطيب وَاسْتِعْمَالُهُ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ اسْتِعْمَالِهِ فِي أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبة بغسل الطيب ونزع الجبة. متفق عليه من حديث يعلى ابن أمية البخاري ومسلم. دونك أبخل الشيخ الزي وقال في المحرم الذي قس قصته قصته راحلته أو قصته راحلته لا تنحتوه متفق عليه ولمسلم لا تمسوه بطيب والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترف عن الترف أو ترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة ويجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الأدهان ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الأدهان بالمواد الطبية بالمواد المطيبة. Donc le cheikh il explique que comme cinquième chose qui est interdite dans les harams, c'est de mettre des choses qui ont une bonne odeur, un parfum ou quelque chose de ce genre, des huiles odorantes ou des huiles parfumées, etc. Il dit que c'est interdit pour le muhrim de mettre ces choses-là et de les utiliser sur son corps ou sur ses vêtements ou de les utiliser dans qu'est-ce qu'on boit ou qu'est-ce qu'on mange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui avait une jubba qu'il avait lavée avec du parfum, il lui a ordonné de l'enlever, d'enlever cette jubba, d'enlever ce manteau. Ça s'est rapporté selon Ya'la ibn Umayya par al-Bukhari et Muslim. Et il a dit aussi qu'il y a un muslim qui a été, je pense qu'il a eu un accident avec sa monture, et donc lorsqu'il est mort, ils ont ordonné de ne pas le parfumer, hein, comme on sait dans le rite de la janaza, on doit parfumer le mort, et bien ils ont ordonné de ne pas le parfumer à ce moment-là, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans la narration de Muslim, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne lui touchez pas avec aucun parfum, c'est-à-dire ne mettez aucun parfum sur lui. Et la sagesse dans le fait d'interdire le parfum, c'est pour que la personne, c'est-à-dire pour qu'on soit éloigné de tout ce qu'il y a de bon et de bien de la dunya, et de se diriger vers l'akhira, tout ce qui est extravagant et autre chose de ce genre. Et c'est permis à la personne qui est en état d'ihram, c'est pas permis à la personne qui est en état d'ihram de chercher à sentir des bonnes odeurs ou des huiles qui sont parfumées. As-sadis, le chef dit comme sixième point. Une mahzourat al-ihram, parmi les choses qui sont interdites durant l'ihram, قتل صيد البر واصطياده قتل صيد البحر واصطياده لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون بالحج أو العمرة وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبح ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة ولا يحرم على المحرم صيد البحر لقوله تعالى وأحل لكم صيد البر صيد البحر وأحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما وأحل لكم صيد البحر وطعامه ولا يحرم ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل كالأسد والنمر ومما فيه من أذى للناس ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فله فعله وفدى لقوله تعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Donc le cheikh il explique ici que comme sixième point parmi les choses qui sont interdites dans l'ihram, c'est de chasser, de faire de la chasse terrestre, c'est-à-dire la chasse sur la terre. Parce qu'il y a en arabe, on appelle la pêche chasse de mer et la chasse sur terre on appelle chasse de terre, hein, si on veut. Donc pour distinguer les deux, il faut comprendre que c'est permis de chasser, mais pas de pêcher des poissons, mais pas de chasser, hein, pendant qu'on est en ihram. Et le cheikh il mentionne le verset 95 dans Surat al-Ma'ida, ô vous qui avez cru, ne chassez pas lorsque vous êtes en état d'ihram, c'est-à-dire que vous faites l'ihram pour le hajj ou pour l'umrah. Et il mentionne le verset 87 qui vient par la suite ici, qui dit وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, et on vous a interdit de chasser sur la terre tant que vous êtes en état d'ihram, c'est-à-dire que c'est pas permis pour vous en état d'ihram de chasser sur la terre ferme. Et le cheikh il dit donc tu dois pas chasser et tu ne dois pas aider quelqu'un à chasser, et tu ne dois pas non plus égorger l'animal lorsque quelqu'un l'a attrapé ou lorsque tu l'as attrapé toi-même. Donc ce n'est pas juste toi-même, même si c'est quelqu'un qui chasse pour toi, ce n'est pas permis. Et c'est interdit également pour quelqu'un de manger de ce qui a été chassé ou ce qui a été chassé pour lui. Non, ce n'est pas permis pour quelqu'un qui est en état d'ihram de manger ce qu'il a chassé lui-même ou de manger ce qui a été chassé pour lui, ou d'aider quelqu'un à chasser, parce que c'est comparable à la viande morte pour lui, hein. Et il dit que c'est pas interdit de chasser sur la mer, c'est-à-dire d'aller pêcher des poissons, ça c'est permis, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 96 وأحل لكم صيد البحر وطعامه. Donc tout ce qui est comme pêche et comme nourriture de la mer, c'est permis de le manger. Et c'est pas interdit de sacrifier des animaux domestiques qu'on a le droit de manger, comme par exemple les animaux de la ferme, les animaux domestiques comme les poulets et les bêtes comme les bétails, les chèvres, les moutons. Les bêtes, les vaches, et les choses comme ça, ça c'est permis de les manger parce que c'est pas de la chasse. Et il dit aussi, et c'est pas permis de, oui, c'est pas interdit de tuer les bêtes qui sont interdites de manger, comme par exemple les lions et les tigres. On a le droit de les tuer si c'est dangereux pour les gens, hein, parce que bien entendu ils peuvent nuire les gens. Donc même si on était en état d'ihram et qu'on tuait un lion ou un tigre, dans ce cas-là ce ne serait pas considéré comme quelque chose qui brise notre ihram ou qui vient nuire à notre ihram. Et le cheikh il dit également que c'est permis également de tuer un ennemi qui viendrait par exemple pour nous tuer ou bien pour prendre nos biens, parce que et allez, on fait ça pour se défendre, et donc dans ce cas-là c'est permis si c'est pour se défendre, et même si on est en état d'ihram. Et le cheikh il dit, et si le muhrim a besoin de faire quelque chose qui est contraire à son ihram ou qui va briser, qui est interdit de faire durant l'ihram, il le fait et il doit payer une expiation, hein, il doit payer quelque chose en échange, c'est-à-dire il doit sacrifier un mouton en échange ou faire quelque chose pour expier cette contradiction-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 196 dans Surat al-Baqarah, celui d'entre vous qui est malade ou qui a une nuisance sur sa tête, dans ses cheveux, alors il doit payer une expiation, soit en jeûne, en faisant un jeûne ou une sadaqa, une aumône, ou bien un sacrifice. Donc ça c'est pour expier si quelqu'un a fait une des fautes qu'on a mentionnées. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح لنفسه فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة لما روى مسلم عن عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح. Donc ça veut dire que يعني c'est pas permis pour la personne qui est en état d'ihram de marier quelqu'un ou de se marier lui-même. Donc il n'a pas le droit d'établir un contrat de mariage pour lui-même ni pour quelqu'un d'autre, ni par un garant ni par un représentant. C'est rapporté par Muslim selon Othman que le muhrim n'a pas le droit de se marier ni de marier quelqu'un. Et aussi, il n'a pas le droit de demander en mariage. Il n'a pas le droit de demander une femme en mariage ou d'être demandé en mariage. C'est-à-dire, quelqu'un n'a pas le droit de demander une femme en mariage s'il est muhrim ou de demander une femme en mariage qui est muhrima. Cheikh, il l'a pas mentionné ça, mais je l'ai mentionné maintenant, mais peut-être que يعني il va en parler plus tard dans les chapitres qui suivent. Le cheikh il dit الثامن من محظورات الإحرام parmi le huitième point de ce qui est interdit dans l'إحرام الوطء لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس هو الجماع فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويلزم المضى فيه وإكمال مناسكه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويلزمه أيضا أن يقضيه سارعا وعليه ذبح بدنه وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه عليه ذبح شاة. Donc ça c'est pour la punition. Pour, en fait c'est que c'est le huitième point, c'est que c'est interdit pour quelqu'un qui est en état d'ihram d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 197 فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ. C'est celui qui a fait l'obligation du Hajj dans les mois sacrés, c'est-à-dire qu'il a eu l'intention de faire le Hajj et qu'il est entré en Ihram durant ce moment-là, alors à partir de ce moment qu'il est en Ihram, il n'a pas le droit de faire Ar-Rafath, c'est-à-dire les rapports sexuels. Donc celui qui a eu des rapports sexuels avant d'avoir enlevé le premier Ihram, Al-Tahallul, parce qu'il y a deux formes de tahallul. Lorsque on est dans le hajj, il y aura deux tahallul. Tahallul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens halal. Contrairement à l'ihram qui veut dire que tu deviens haram. Tu rentres en état de sacrilisation. Donc, tahallul, ça veut dire que tu sors de l'état de sacrilisation. Et ça, c'est en deux degrés durant le hajj. Okay? Il y a, une fois que tu as fait les rites, de par exemple égorger l'animal et de faire les jamarat et de faire le tawaf al-ifada, après tu as le droit de faire certaines choses qui étaient interdites, comme par exemple de couper les cheveux, de raser la tête et de mettre des vêtements cousus et etc. Donc à partir de ce moment-là, ça devient permis après que tu as fait ces rites-là. Toutefois, il reste, c'est pas un tahallul complet, c'est un tahallul partielle, parce que t'as pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec ta femme. Donc, si t'as fait des rapports sexuels avec ta femme avant d'avoir fait le premier tahallul, alors dans ce cas-là, tu dois, c'est-à-dire ton hajj est annulé dans ce cas-là, à partir de ce moment-là. Et t'es obligé de continuer et de compléter les rites du hajj, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et compléter le hajj et la umrah pour Allah, donc vous devez compléter. Toutefois, tu dois le refaire l'année suivante, le hajj. Hein, tu dois le refaire. Et tu dois sacrifier une vache, badana. Et aussi, ça c'est pour expliquer, pour expier ce péché-là. Et si tu as fait des rapports sexuels après le premier tahallul, hein, donc dans ce cas-là, ton hajj n'est pas complètement annulé, il est encore valable, mais tu dois faire une expiation quand même en sacrifiant un mouton. Donc ça c'est pour avoir fait un rapport sexuel après le premier tahallul et non pas après le deuxième tahallul. Hein. Donc si tu l'as fait avant le premier tahallul, ton hajj n'est pas bon, mais tu dois compléter et tu dois sacrifier une vache et refaire ton hajj. Tandis que si tu l'as fait les rapports sexuels après le premier tahallul, donc dans ce cas-là, ton hajj n'est pas annulé, mais tu dois sacrifier quand même un mouton pour expier ça. Et yani, donc t'as fait quelque chose d'interdit quand même, mais c'est pas complètement interdit. C'est-à-dire c'est pas complètement annulé ton hajj. Le cheikh il dit التاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأنها وسيلة إلى الوطء إلى الوطء إلى وطء المحرم والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمراد بالرفث الجماع ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع والفسوق هو المعاصي لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح لأنه في حال التبرع والجدال وهو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن donc le cheikh il dit que parmi les choses qui sont interdites pour le muhrim c'est de toucher à la femme sans avoir des rapports sexuels avec, dans les parties génitales. Hein, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec le fait de toucher à la femme et ce qui peut inciter quelqu'un à amener la personne à avoir envie d'avoir des rapports sexuels avec elle. Donc par exemple de toucher la femme avec désir, c'est ça qui est interdit. Donc il faut s'en écarter. Et le cheikh il dit que le muhrim, il doit s'écarter de tout ce qui est rafas, et fousouk et jidal, ok, et il va l'expliquer qu'est-ce que c'est. On a déjà lu que al-rafas c'est al-jima et on va expliquer les détails là-dessus. Et il mentionne le verset 197 dans surat al-Baqarah, donc celui qui a décidé de faire le hajj, alors il ne doit pas faire de rafas, ni de fousouk, ni de jidal. Et il explique que qu'est-ce qu'on veut dire par al-rafas, c'est les rapports sexuels, mais ça implique également tout ce qui a rapport avec les rapports sexuels, comme par exemple le fait de toucher, caresser ou embrasser, ou faire des insinuations, de parler de choses qui ont rapport avec les rapports sexuels, ou de parler des rapports sexuels indirectement, ou directement, d'en parler avec la femme, yani, parce que c'est des choses qui donnent, qui vous font monter le désert, et donc en réalité ça amène le muhrim à tomber dans le péché. Et le cheikh il dit ensuite, Wal-Fusuq. Al-Fusuq c'est quoi? C'est les péchés. C'est tous les péchés qui sont faits. Et lorsque c'est en état d'ihram, c'est encore plus laid et encore plus grave. Comme par exemple, les gens par exemple qui font des péchés en état d'ihram. Comme par exemple, ceux qui fument la cigarette par exemple. Ça c'est très grave. Déjà en temps normal c'est haram. Alors en état d'ihram, c'est encore pire. Hein? Donc, de dire des mauvaises paroles et des mauvais mots et de faire des choses qui ne sont pas permises dans l'islam, comme faire, comme par exemple voler ou mentir ou faire d'autres choses qui sont haram. Al-jidal, c'est-à-dire de disputer, de se disputer, de parler, de faire des disputes avec les gens dans ce qui n'a pas de aucune importance, des choses futiles, et de faire des débats ou des disputes avec nos compagnons, et de faire des désaccords, de s'insulter ou de se chicaner entre nous. Dans le Hajj, ça c'est un grand péché. Toutefois, de disputer ou de débattre ou de parler pour clarifier la vérité ou pour ordonner le bien et interdire le mal, ça c'est quelque chose qui est commandé, c'est quelque chose qui est ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 125 dans Surat An-Nahl, et argumente avec eux de la meilleure façon. Après, il dit wa yasunnu lil muhrim qillat al-kalam illa fima yanfa' wa fi sahihayn an Abi Hurayra رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعنه مرفوعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Donc le cheikh il dit que c'est quelque chose qui est recommandé pour le muhrim de parler peu, excepté c'est-à-dire de parler uniquement dans ce qui est bénéfique, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim sur Abi Huraira رضي الله عنه, dans lequel il dit que celui qui croit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise le bien ou qu'il se taise. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est rapporté par Ahmad al-Tirmidhi et Ibn Majah et d'autres, ils disent qu'il a dit, parmi les choses qui font partie du bon islam d'une personne, c'est d'abandonner ce qui ne lui concerne pas. Donc, de ne pas rentrer dans ce qui n'est pas de tes affaires. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمْ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالذِّكْرِ اللَّهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَحِفْظِ وَقْتِهِ عَمَّا يُفْسِدُهُ وَأَنْ يُخْلِصَ النِّيَّةَ لِلَّهِ ويرغب فيما عند الله لأنه في حالة إحرام استقبال عبادة عظيمة وقادم على مشاعر مقدسة وموافقة ومواقف مباركة. الشيخ الزين يركمندي pour le محرم يعني de s'occuper en faisant التلبية. Quand il dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc il dit ça, puis il fait l'invocation d'Allah, il rappelle d'Allah, et il lit, il récite le Coran, il ordonne le bien, il interdit le mal, il préserve son temps, il garde son temps de tout ce qui pourrait lui faire gaspiller son temps. Il purifie son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala et il cherche à atteindre ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala parce que il est dans l'état d'ihram et il se tourne vers une grande adoration et il se dirige vers des lieux qui sont des endroits saints et des endroits qui sont bénis, des choses qui sont bénies, donc c'est très important de se se concentrer dans ce qui est bénéfique pour lui. فإذا وصل إلى مكة فإن كان محرما بالتمتع فإنه يؤدي مناسك العمرة فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن وإلا أداهما في أي مكان من المسجد ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة فيسعى بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختمها بالمروة ذهابه سعة ورجوعه سعة ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه فإذا فرغ من الشوط السابع قصر الرجل من جميع شعره من جميع شعر رأسه وتنقص الأنثى من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة. Donc le cheikh il explique certains points. Il dit après وبذلك تتم مناسك العمرة فيحل من إحرامه ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونطف الآباط فإذا احتاج إلى ذلك ويبقى حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. أما الذي يقدم من مكة قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف القدوم وإن شاء الله قدم بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر كما يأتي تفصيله إن شاء الله. Donc le cheikh maintenant il explique, il fait un résumé de qu'est-ce que la personne qui est venue pour faire le hajj, une fois maintenant qu'elle a mis son ihram et qu'elle a respecté les règles de l'ihram, elle se dirige vers Mecca, et une fois qu'elle arrive à Mecca, si elle fait le hajj tamattu, donc elle va commencer par faire l'umra. Donc le cheikh il dit qu'une fois que tu es arrivé à Mecca, tu es en ihram pour faire le hajj tamattu, donc tu dois faire l'umra en premier. Donc tu vas faire 7 tours de la Kaaba, ok, 7 tours de la Kaaba, et tu commences à partir de la pierre noire, et tu lèves ta main en disant Allahu Akbar, et tu fais un tour, ensuite un autre tour, ensuite un autre tour comme ça. Les détails de ça on va expliquer plus tard, et là c'est juste pour faire un résumé en ce qui concerne les règles, mais bon, c'est pour savoir quoi faire. 7 tours, les 3 premiers tours en jogging un petit peu, puis par la suite on marche. Quand on a complété le 7e tour, tu fais 2 rak'ah derrière Maqam Ibrahim si c'est possible. Si c'est pas possible de faire 2 rak'ah derrière Maqam Ibrahim, tu les fais n'importe où dans la mosquée. Ensuite, il dit que par la suite, tu te diriges vers Safa. Hein. Mais avant ça, c'est sunnah d'aller boire de l'eau de Zamzam et de te laver avec l'eau de Zamzam. Et le cheikh ne l'a pas mentionné parce qu'il se limite à ce qui est obligatoire. Donc, tu te diriges vers Safa. Et une fois arrivé sur Safa, tu fais le relais entre Safa et Marwa 7 fois. Donc, c'est deux petites collines. Aujourd'hui, ça a été, c'est-à-dire on a mis du marbre et tout, donc les roches ont été vernies. Donc on va pas vraiment reconnaître des montagnes, mais on va voir que c'est un petit peu élevé. Puis on voit les roches et tout. Donc on se dirige vers cet endroit-là et on reste là un peu pour faire des doigts en se dirigeant vers la Kaaba, hein, et on fait des doigts pendant un certain temps. Et puis c'est possible d'acheter les petits livres qui décrivent comment faire le Hajj selon le Coran et la Sunna, avec les preuves et les explications, soit du Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani ou d'un autre parmi les ulama salafiyin qui explique les rites de la Umrah et du Hajj. Donc ça c'est très bénéfique, et comme ça tu peux le garder avec toi tout au long de ton Hajj, comme ça tu peux toujours te rappeler si tu as oublié quelque chose. Et donc tu commences à Safa, ensuite tu te diriges vers Marwa, ça compte pour un. Et tu reviens de, tu fais la même chose à Marwa, tu fais des doigts en te dirigeant vers la Kaaba, ensuite tu retournes à Safa encore, ça fait deux. Hein, ensuite tu fais la même chose, tu retournes à Marwa, ça fait trois. Ensuite tu retournes à Safa, ça fait quatre. Ensuite tu retournes à Marwa, ça fait cinq. Ensuite tu retournes à Safa, ça fait six. Ensuite tu retournes à Marwa, ça fait sept. Et donc c'est fini. Une fois que t'as fait les sept aller-retour, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu commences à Safa, tu termines à Marwa. Et une fois que t'as fini ça, t'as fini les 7, tu t'occupes, le chef il dit que pendant le temps que tu fais le Safa et le Marwa, et pendant le temps que tu fais le Tawaf, tu t'occupes à faire des doigts et à te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à penser à Allah subhanahu wa ta'ala, à faire du bien, à dire des dhikrs et des doigts. Et lorsque tu as terminé le septième relais, et que tu arrives à Marwa, comme j'avais dit, donc là, tu coupes un petit peu de tes cheveux partout sur ta tête. Hein. C'est mieux de, après le Umrah, si tu fais le tamattu, le premier coup, c'est mieux de ne pas raser tout, parce que tu vas faire encore le tawaf et un tawaf al-qadoum après le hajj, lorsque tu as fini les rituels, quand tu as fini d'égorger, de lancer les jamarat et de faire le tawaf al-ifada, là tu vas aller encore une fois couper tes cheveux par la suite pour enlever ton ihram. Et donc là, à ce moment-là, c'est mieux de raser la tête à ce moment-là. Donc, après la Umrah, lorsque tu termines la Umrah, c'est-à-dire, rase pas après la Umrah ta tête au complet. Fais juste couper un petit peu tes cheveux d'un peu partout. Il y a des coiffeurs là-bas, il y a des barbiers qui sont là, ils sont spécialistes là-dedans. Et tu leur donnes comme 5 riyals ou quelque chose comme ça, ils vont te le faire. Et comme ça, après, lorsque tu termines ton Hajj, et que tu vas enlever ton ihram pour le Hajj plus tard, là tu vas pouvoir raser ta tête au complet, et il y a plus de récompenses dans le fait de raser la tête au complet par la suite. Donc c'est bien comme ça. Et pour la femme, elle rase pas sa tête, bien entendu, elle coupe pas de ses cheveux beaucoup, juste un petit bout des petits bouts de ses cheveux d'une petite distance, il y a une petite portion de cheveux qu'elle coupe du bout des cheveux seulement. Et c'est ainsi que se complètent les rites de la Umrah. Et donc lorsqu'il a complété, il a rasé pas rasé mais coupé ses cheveux après l'Umrah, là il sort de son ihram, il peut refaire tout ce qui était interdit pour lui, c'est-à-dire sa femme. Il peut la toucher, il peut avoir des rapports sexuels avec elle, il peut mettre du parfum, il peut porter des vêtements cousus, il peut couper ses ongles et couper sa moustache et enlever les poils en dessous de ses bras, etc. s'il a besoin de le faire. Pardon. Mais il reste en état de, oui c'est ça, il reste donc halal, c'est-à-dire il peut continuer à porter à faire ce qui était haram pour lui, il peut continuer à faire jusqu'à ce qu'arrivent les jours de qu'on appelle At-Tarwiya. Et là, à ce moment-là, il se prépare maintenant pour le Hajj. Donc il va remettre son ihram encore une fois, et il rentre en état d'ihram à partir de Mecca, et là il va commencer les rites du Hajj. Donc At-Tamattu', c'est ça ce qui est bon, c'est ça ce qui est bien avec At-Tamattu', Hajj al-Tamattu', c'est que lorsque tu termines ta Umrah, tu peux remettre tes vêtements et faire qu'est-ce qui était interdit pour toi, et donc c'est beaucoup plus facile et t'es beaucoup plus à l'aise. C'est ça ce qui est bien. Tandis que si tu viens en faisant le Hajj Qirad ou le Hajj Ifrad, dans ce cas-là, tu fais At-Tawaf Al-Qadoum, Tawaf Al-Qudoum, c'est-à-dire tu fais le Tawaf d'arrivée, quand tu rentres dans la Kaaba. Puis, si tu veux, tu peux faire le Sa'i du Hajj tout de suite, entre Safa et Marwa, tu le fais en avance, donc, et tu restes dans ton Ihram, tu restes avec ton Ihram jusqu'au jour de Al-Nahar, jusqu'au jour du sacrifice. Et ça, on va l'expliquer en détail plus loin. Donc ça, ça vient compléter ce chapitre, Inch'Allah, et puis, donc, on continue la semaine prochaine, bi'iznillah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك